fallait partir à point, mais il n'a fait que courir pour que finalement le quotidien nous rattrape au moment de vieillir. La belle allure à vive allure, beaucoup d'excès, quelques ratures. Il reste des jours sur le goudron, flash aventure, flash addiction. Flash Gordon, la CD.